Une halte dans la lumière de Claude Jouffroy. Je ne sais plus bien pour quelle recherche de vieux grimoire j'ai séjourné dans sa petite ville. Ce qui est certain, c'est que je fus tout de suite au mieux avec le bibliothécaire qui, dans ce pays-là, fait en même temps fonction d'archiviste. Et à peine 3 jours avait-il coulé sur notre connaissance que le vieux bonhomme m'offrit de me mener chez elle. Il fallait entendre comme il en parlait. Ce n'était ni sa sœur, ni son amie, ni sa fille, c'était tout cela mélangé, fondu en un être de suprême dilection. C'était son élève, devenu son égal, sa confidente, son espoir, celle en qui revivait la grande passion de toute sa vie, l'amour des livres. Et le vieillard comptait tout ému. Il y a 13 ans que nous nous connaissons, elle en a 30 maintenant. Je puis bien le dire, car elle est trop intelligente pour ne pas consentir à compter une année de plus chaque 1er janvier. D'ailleurs, vous ne lui en donnerez pas plus de 25, et elle a 4 enfants, 4 beaux lurons. Donc, il y a 13 ans, je la vis entrer à la bibliothèque un mardi vers 2 heures. Je m'en souviens mieux que d'hier. Ses joues étaient roses vives, et elle restait près de la porte, toute tremblante. Je l'avais encouragée 2 fois. « Mais entrez donc, mademoiselle. » Elle faisait quelques pas et de nouveau s'arrêtait. J'allais à elle. « Que voulez-vous ? » Et la voyant si frêle et si timide, j'ajoutais « Mon enfant !» d'un ton de bon vieux papa. Elle sourit, et avec un peu d'hésitation encore, « Monsieur, c'est vous le bibliothécaire ?»« Oui. » Et je dis encore « Mon enfant !» voyant que j'avais eu tant de succès la première fois. Elle entr'ouvrit la bouche, puis la referma et trembla plus fort qu'auparavant. Pour le coup, je n'y étais plus, et un peu d'agacement me venait contre cette fillette qui faisait tant de manières pour demander un livre. Alors je l'interrogeai avec quelque raideur. « Voyons, quel volume voulez-vous ? » ?»« Ah, justement, je ne sais pas. » »« Vous ne savez pas. Et comment puis-je savoir, moi ?» Prompte comme la raquette qui renvoie la balle, elle riposta. « Pardon, monsieur, c'est vous qui devez savoir. Je ne suis pas bibliothécaire, moi. » Alors, mon jeune ami, elle se transfigura. Ses joues reprirent la pâleur à peine teintée de rose qui leur était habituelle. Elle ouvrit tout grand ses beaux yeux noirs qu'elle tint fixés bien droit dans les miens, et elle parla, comme elle parle quand une conviction profonde lui souffle les mots. Je ne pourrais pas avoir l'accent, le geste, le feu du regard, surtout, qui accompagnait, soulignait, rehaussait son petit discours. Mais je me rappelle assez bien ce qu'elle me dit. Je voudrais lire de vrais livres. J'en ai bien 4 ou 5 à la maison. Mais je n'ai pas eu le temps d'oublier assez le premier quand j'ai fini de relire le dernier. Maman aussi m'en donne quelquefois, qu'on lui prête à la congrégation, mais je ne les aime pas. Ce sont des vies de saints tellement saints qu'on voit bien qu'on ne pourra jamais leur ressembler. Et puis après tout, je ne sais pas si personne en aurait envie, moi pas. Ou bien alors ce sont des histoires pas vraies, qui n'ont jamais pu arriver, où il n'y a que des gens bons comme des anges et d'autres méchants comme des démons, et où les bons finissent toujours par être heureux. Il me semble qu'il doit y avoir d'autres livres, des livres qui racontent ce qu'on voit tous les jours autour de soi, qui le disent bien, en mots qui font pleurer, comme un qu'on m'a donné l'an dernier. « Qui s'appelle ?» demandai-je. Elle me jeta « David Copperfield » et poursuivit très vite ce qu'il lui restait à dire. « Alors j'ai pensé que s'il y a des livres, ce doit être dans les bibliothèques, que s'il y a une bibliothèque de la ville, c'est pour que les habitants de la ville puissent lire des livres, et que s'il y a un bibliothécaire, c'est pour leur donner ces livres. » J'éclatai de rire. « Oh, parfait de déduction. Je ne vous offrirai pas le discours de la méthode, vous n'en avez pas besoin. » Elle fronça le sourire, parut toute triste. « C'est donc bien extraordinaire ce que je demande, ça vous fait rire. Alors vrai, vous n'êtes pas là pour prêter des livres à ceux qui en demandent. » J'aurais été impardonnable, n'est-ce pas ? Si j'avais répondu à cette belle confiance par un exposé de mes fonctions et l'offre d'un catalogue. Je pris ses 2 petites mains maigres dans mes grosses pattes et je lui répondis « Oui, mon enfant, je suis là pour prêter des livres et je vous en prêterai. » Et il lui en avait prêté, l'aimable vieillard, à fond perdu, non de la bibliothèque de la ville mais de la sienne, et de celle non gratuite de tous les éditeurs parisiens. Il racontait comment il s'était complu à garnir ses tablettes de jeunes filles de mains bons ouvrages, puis sa joie à compléter les séries quand il avait vu élargir son champ d'opération par le mariage de sa chère Télémaque. « Je l'appelle ainsi, expliquait-il en me rappelant ce temps passé, car il y a beau jour qu'elle n'a plus besoin de mentor. Il disait, que ne disait-il pas ? Sur ce sujet, il se montrait intarissable. Et en dépit de mon peu d'attrait, malgré tout, pour ce babble de province, d'autorité, il me conduisit chez elle par un pluvieux après-midi de mars. J'arrivai, très prévenu, contre une femme dont les loges me poursuivaient depuis 3 jours, et disposé à lui demander compte de toutes mes désillusions. « Madame est dans la chambre des enfants, » nous dit de le vestibule une vieille bonne de mauvaise humeur. « Ah, diable, c'est jeudi aujourd'hui. »« Oui, et même un jeudi de pluie. » nous jeta par une porte entrouverte une voix gentiment grondeuse. « C'est encore une de vos distractions de tomber impromptu dans le tapage de ma nichée. » Elle parut sur le seuil, mais en me voyant, elle eut une seconde d'embarras et une rapide rougeur pendant que le vieillard me présentait. Puis elle nous conduisit dans le salon où l'on accédait par la salle à manger. Tandis que nous traversions ces grandes pièces, boisées, hautes, recueillies, tout à fait de province, elle me disait, en me désignant des yeux son ami, « Il vous a parlé de moi. » Et comme avec un signe de tête affirmatif, j'allais m'embrouiller dans de plates formules complimenteuses, elle reprit tout de suite, « J'espère que vous n'en avez pas cru un mot, et que vous ne m'en voudrez pas d'être tellement peu ressemblante au portrait qu'on vous a fait de moi. » Ceci répondait si bien à mon état d'esprit que je ne pus m'empêcher de sourire. Elle ajouta gaiement, « Il me joue sans cesse de ses tours, ce bon ami. » Et elle le prit par les deux mains, le regarda très affectueusement, le fit asseoir sur un canapé à côté d'elle en m'indiquant un fauteuil tout proche. Depuis, je ne me souviens plus bien, car ce qui me reste d'elle, ce ne sont pas des scènes entières que je pourrais reconstituer, raconter, revivre par la mémoire, excepté une que je dirais. C'est une impression générale, douce et inoubliable, comme d'un beau paysage de lumière aux lignes vastes et pures. Dès ce premier soir, je fus sous le charme, car c'est charmante qu'elle était. Non point belle, certes, ni peut-être même jolie, mais charmante, charmante. Le bas de son visage était mou, effacé, quelconque, menton rond, bouche droite, à peine resserré en avant, comme prêt au baiser, nez petit, quelque peu bossu et de travers. Mais on ne regardait guère cela, tant le reste était caractéristique. Elle avait un grand front de pensée, de vastes yeux, sombres de nuances, mais si étincelants qu'ils éclairaient. Et des cheveux noirs, soyeux tellement que le jour s'y jouait en larges coulées brillantes. Et c'était si inattendu, ses yeux et ses cheveux à la fois de ténèbres et de lumière, qu'on aurait cru le sommet de sa tête immuablement enveloppé de rayons de soleil. Mais elle n'avait pas pour cela l'air presque surhumain qu'eût légitimé, ce semble, une telle auréole. Non, car le diadème de son abondante chevelure était trop lourd à porter pour son cou frêle qui s'inclinait sous le poids. Et même, d'un air à peine là, elle soutenait volontiers sa tempe de la main, tandis que ses longs doigts blancs s'enfonçaient dans la masse obscure et éclatante qui la couronnait si excessivement. Quand, la tête penchée ainsi, elle posait sur moi ses prunelles d'ombre lumineuse, je croyais ne jamais pouvoir détacher mon regard de ses yeux, de ce front, de ses cheveux. Et pourquoi les en détacher ? En elle, rien ne valait cela. Elle disait plaisamment que Dieu, commençant à la créer par le sommet, s'était senti fatigué dès les paupières inférieures et n'avait plus pétri l'argile que d'un doigt distrait. De fait, le pouce divin s'était trop appesanti sur la gorge et pas assez à la ceinture. Elle avait ainsi un buste de courbe molle et trop peu frêle pour que ce fût un charme. Mais, avec une carrure, non de chêne, mais de hêtre ou de tilleul, elle s'inclinait comme un roseau, et ne trouvant point à ses airs penchés l'excuse d'une ossature exquisement grêle, le regard en était gêné. Mais l'âme s'y complaisait lorsqu'on connaissait cette femme, tellement mère. On la voyait alors comme une protection qui s'inclinait, un secours descendant sans cesse vers les pas hésitants des petits, car elle était mère profondément, absolument. Tout lui était chemin pour aller à ses enfants, ou plutôt, comme elle ne s'en éloignait jamais, ils étaient le centre autour duquel tout gravitait. Et même son goût de la littérature, que son vieil ami m'avait représenté si dominant, ne m'apparut jamais qu'au travers de son sentiment maternel. Elle disait « Je leur mettrai toujours entre les mains d'assez beaux et bons ouvrages, pour qu'ils n'aillent pas lire dans les coins, en cachette. » Et souvent, elle s'interrompait de donner, oh, tout simplement et brièvement, son appréciation d'un livre pour s'écrier « Ah, je le ferai lire à mes filles. » Un jour, une louange m'avait échappé sur sa rare intelligence, car elle était étonnante vraiment de pénétration, de clarté dans les idées. La lumière était sous son front comme dessus, et d'aperçu neuf, de ces mots soudains qui sont des fiat lux. Elle ne repoussa point l'éloge, comme eussent fait beaucoup d'autres, pour se l'entendre confirmer. Elle me demanda « Oh, sincèrement, croyez-vous que mes fils, quand ils seront grands, ne me trouveront pas trop ennuyeuse, pas trop vieux jeu, qu'ils sont enclins à se confier à moi, qu'ils me jugeront capable de tout comprendre, tout ?» Elle avait ses idées sur l'amour maternel. J'avoue qu'un jour, elle m'étonna. Germaine, sa dernière fillette, une jolie blondine de 2 ans, eut un caprice. Mais elle n'y voulut point céder, et une demi-heure de cris et de larmes ne réussit pas à la fléchir. Et à cette remarque, que je me permis lorsqu'à la fin l'enfant se fut calmé, « Je crains que Germaine ne mange pas de bon appétit ce soir. » Elle répliqua vivement, « J'espère que si. Ma fillette se porte très bien, grâce à Dieu. Et cette petite secousse n'est pas pour l'indisposer. Mais encore ?» poursuivit-elle en me regardant fixement. « Encore ?»« Mieux vaut pour elle avoir un accès de fièvre ce soir qu'une crise de nerfs dans 30 ans. Ce soir, je suis là pour la soigner. Dans 30 ans, elle n'aura sans doute à compter que sur elle. » Elle avait appuyé sur les mots pour elle avec énergie, et je compris que son unique étude était d'aimer ses enfants en dehors de toute vue égoïste. Elle les embrassait rarement, et comme je lui en demandais la raison, elle me dit « Il est bon que des enfants désirent les caresses de leur mère, qu'elles soient pour eux une douceur et non une corvée. Si nous nous laissions aller, nous autres, nous n'ôterions pas nos bouches de leurs cheveux. » Et elle avait des inventions. Elle faisait la cuisine maternellement. Un jour, en arrivant chez elle, je lui trouvai une vague odeur de graillon. Elle me tint à distance. « N'approchez pas, et allez, je vous prie, m'attendre au salon. Je vous demande un quart d'heure. » Quand elle revint, rhabillée, recoiffée, effleurant la verveine, elle tenait à 2 mains une corbeille pleine de pâtisseries légères, dentelées, divisées en bandelettes contournées de 100 façons. « Ce sont des beignets de carnaval, » dit-elle en me les faisant goûter, « la friandise obligatoire du mardi gras et de la mi-carême. Ce n'est pas une pâtisserie, c'est une institution. Et ça doit être pétri par maman. Pétri et cuit au risque de sentir le graillon. » Puis, rêveuse un peu, « Il faut bien que je leur fasse des souvenirs. De ces pauvres petits souvenirs attendrissants qui, de loin, sont toute la vie de famille. » Et elle m'en fit à moi aussi, sans y prendre peine. Un soir, je lui apportai une botte de lilas blanc. Son merci me parut contraint, et avec un peu d'hésitation, elle me demanda « Me permettez-vous de l'envoyer pour l'autel de la Vierge ?»« Je suis assez bon chrétien pour fleurir les églises sans avoir besoin d'intermédiaire, » repris-je en souriant. Alors elle fut tout à fait franche. « Eh bien, « s'il faut vous le dire, il me gêne, votre lilas. Je ne sais qu'en faire. » Et comme je l'interrogeais du regard, « c'est que je suis maniaque à un point ridicule. J'aime fleurir toute ma maison avec une seule espèce de fleur, un jour des violettes, après des primevères, puis des lys, ensuite des roses. Ah, un uniforme. Justement, c'est bizarre, n'est-ce pas? Enfin, c'est une de mes idées. Eh bien, je vous renverrai du lilas, assez pour tous vos vases. C'est entendu, mais pas avant que mes myosotis soient passés, car j'aime tout particulièrement le myosotis. À cause de son symbolisme? Non, parce que c'est léger, délicat, et d'un si adorable bleu, et puis surtout peut-être à cause de sa poétique façon de vieillir. Les autres fleurs, dès qu'elles commencent à se faner, deviennent vilaines tout à fait. Le myosotis prend en quelque sorte un charme de plus par sa maladive pâleur. Voyez? Je les ai achetés avec leurs racines et la terre qu'ils recouvraient. J'en ai rempli mes jardinières. Ils vont se conserver ainsi plus de 10 jours. Et je faisais la réflexion que ces fleurs en pot sont un peu comme nous autres, femmes de foyer. Elles ont une existence moins brillante que celle de leurs sœurs des jardins. Elles se consument, gardent toute leur beauté, évaporent leur parfum quand elles en ont, pour un petit nombre d'êtres dont elles font la joie. N'est-ce pas bien préférable à la passagère admiration de toute une foule ? Et jour par jour, nous regardions les pétales des myosotis se décolorer, prendre toutes les nuances de plus en plus expirantes du bleu, et leurs petites couronnes jaunes se ternir, passer au brun noirâtre, sembler à la fin un œil triste dans une figure palote. Elle disait « N'est-ce pas charmant de vieillir ainsi ? Croyez-vous qu'on se penche de la sorte sur l'agonie des banales fleurs des parterres ?» Je m'attarde à ses puérilités. Puérilité, un terme qu'elle n'aimait pas. Pourquoi avoir pris l'enfance, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus important, pour en composer un mot auquel s'attache un sens de futilité ? Je m'attarde à tout quand je pense à elle. C'est qu'elle donnait du prix à tout. Je devais séjourner une semaine dans sa petite ville. J'y demeurais 2 mois, feignant de chercher encore aux archives quand je n'avais plus rien à découvrir hors dans l'âme de cette femme. Je venais la voir chaque jour. À entendre parler d'elle par son vieil ami, je me l'étais figurée trônant dans un salon, tenant bureau d'esprit. Elle ne recevait personne, ne parlait jamais de ses lectures aux gens de sa petite ville. Elle m'avait présenté son mari, un grand garçon bien portant, blond, sanguin, avec des yeux bleu clair, qui chassait, faisait de la bicyclette et des actes de notaire. Elle l'estimait sincèrement, très confiante en lui pour l'avenir de ses enfants, et l'aimait de bonne amitié. Oui, toute l'existence de cette femme était vraiment dans la lumière. Je m'attardais dans sa vie sans plus penser à la mienne. Pris par cette langueur qu'on éprouve en se promenant au premier printemps, alors qu'il semble que l'unique fonction de l'homme sur la terre soit d'emmagasiner des rayons de soleil. J'emmagasinais donc, quand je reçus un mot de mon éditeur me gourmandant sur ma paresse. Ce fut un coup de tocsin. Pouvais-je m'éterniser sur les bords de la zone lumineuse dont cet inconnu d'hier était le centre ? Pour rester, je n'avais nulle raison à donner à autrui, et pas davantage à moi-même. J'atermoyais encore une demi-semaine et je me résolus. Quand je lui annonçai mon départ pour le lendemain soir, elle eut un « Ah ! Presque douloureux !» à demi corrigé aussitôt par un sourire mélancolique. Il fallait s'y attendre, en effet. Elle me retint à dîner, et ce fut ce jour-là que je lui fis mes adieux officiels devant son mari. Mais je profitai d'une courte absence de ce dernier pour lui dire « N'est-ce pas banal de nous quitter de la sorte, comme si nous n'avions pas été l'un pour l'autre mieux que d'ordinaires passants ?»« On se rencontre, on se sépare, » répliqua-t-elle avec un haussement découragé de sourcils. « C'est très banal, en effet, puisque la vie est une suite d'entrées et de sorties. »« Ah » repris-je sans vouloir l'entendre, « si vous consentiez à me retrouver demain vers 3 heures dans le bois des roches, auprès de cet arbre abattu où nous nous sommes assis avec les enfants jeudi dernier, ne pensez-vous pas que ce serait bon de nous promener quelques instants ensemble avant de nous quitter, peut-être pour toujours ?» Elle sourit mélancoliquement encore, et lentement, « Oui. » Ce sera bon, j'irai. » Et elle vint, en effet. Elle vint même avant l'heure, car je puis affirmer que je fus exact, et en arrivant, je l'aperçus de loin, appuyée au tronc d'un chêne, la tête penchée un peu, si bien que la partie admirable d'elle-même, ses yeux, son front, ses cheveux, que ne cachait pas une toute petite capote de perles violettes, sollicitaient tout d'abord invinciblement leur regard. Je la contemplai quelque temps sans qu'elle soupçonnât ma présence. À la voir si belle et un peu triste, semblait-il, si seule dans ce grand bois de hautes futaies, plein de bourdonnements d'insectes et d'amoureux ramages d'oiseaux, dont les verdures, encore jeunes et toutes palpitantes des caresses de la brise, ne donnaient qu'une ombre légère criblée de trous de soleil, dans ce bois empli de la grande vie sans entrave de la nature, de toute la fécondation d'un jour tiède de mai. La bête dut s'éveiller en moi. Soudain, je courus à elle. Fût-ce les bras ouverts, preneur, fût-ce la bouche tendue vers ses lèvres, je ne sais. Mais ce que je vois, ce que j'entends encore, c'est son recul horrifié, c'est son visage pourpre, Ce sont ses yeux, vides tout à coup de leur lumière, et semblant deux puits d'ombre dans du feu. C'est son souffle de voix lointain et pourtant si distinct, haletant péniblement. Alors c'est pour ça, ça, que vous m'avez fait venir. J'étais immobile, bras ballants, tête basse, et regard rivé au sol. Mais ce fut avec fermeté que je répondis, « Non, je vous le jure, ce n'est pas pour ça que je vous ai prié de venir. » Un sursaut de folie m'a secoué, mais c'est passé, bien passé, croyez-moi. Oh, dites que vous me croyez. Je vous crois. Puis-je vous regarder maintenant? Elle me tendit sa main qu'à peine j'osais serrer d'une hâtive pression. Et il parut qu'elle n'était pas trop fâchée, mais plutôt triste, toute triste, comme si cette scène faisait gémir un écho au fond de son moi. Elle dit lentement, « Ah, pauvres faibles êtres misérables que nous sommes. Quel chemin prendrons-nous ? » demandai-je pour la sortir de cette elle-même mélancolique. « Je n'ai pas envie de marcher. Voyant qu'il faisait si beau, j'étais venu de bonne heure, et je me suis promené en vous attendant. Je me sens un peu lasse. Reposons-nous sur cet arbre, où nous nous sommes assis avec les enfants. » Il me sembla, peut-être me trompais-je, qu'elle voulait demeurer afin d'être dans leur souvenir, avec ce témoin tout proche pour le lui rappeler. Un peu de gêne subsistait entre nous, et je commençai la causerie assez gauchement. Je n'espérais guère vous rencontrer. N'avais-je pas dit que je viendrais? Vous n'avez point eu d'hésitation? Non, je n'ai pas un instant douté de vous. Merci. Il est encore temps pour moi de vous prouver que vous avez eu raison. Mais votre mari, il croit que nous nous sommes quittés hier et... Mon mari sait où je suis en ce moment et avec qui. Hein, il n'a pas fait de réflexion. Pas à haute voix. J'ai cru lire dans son sourire. Encore une des idées baroques de ma femme. Il m'en passe beaucoup parce que je soigne bien la soupe et les moutards, comme il dit. Et il eut aussi un sourire. Non de pitié, plutôt un de ces sourires amusés comme en font naître ces grands garçons poussés prématurément, qui sont enfants avec la taille d'homme. « Vous l'aimez bien, votre mari ?»« Oui, » répondit-elle avec calme. « Alors vous êtes heureuse ?»« Je suis une mère tout à fait heureuse. » »« Et comme femme ?»« Autant, je pense, qu'on peut raisonnablement espérer l'être. » Et après un court silence, « Vous, vous êtes heureux ?»« Oh, terriblement seul. » »« Et je vais maintenant en souffrir plus que par le passé. » »« Vous n'avez jamais songé à vous marier ?» Je le ferais volontiers, si je rencontrais par hasard une jeune fille qui me plût. Mais la campagne matrimoniale, avec les obligatoires obligeantes dames intermédiaires, les 6 semaines de cours, les 20 bouquets, et 2 vies rivées au bout du compte, pouah ! Elle ne répondit rien. Alors moi, si je ne m'en allais pas cependant, si je restais près de vous, toujours, comme un ami, oh, votre ami, toujours, toujours, voulez-vous ? Quelle folie ! Ah oui, recommencer à nous deux, à Maury et Madame de Coin. Ne vous ai-je pas dit avoir en réelle antipathie l'égoïsme de cette femme, qui atrophie un homme pour la joie d'une poésie dans son existence? Elle n'était pas si déshéritée avec 2 enfants et un mari, passable. Non, non, ce serait fou. Vous ne voudriez pas devenir ici un inutile, un oisif, pour 2 heures de causerie avec moi chaque jour, et je vous saurais mauvais gré de le vouloir. D'ailleurs, vous n'avez pas dit cela sérieusement. Elle ajouta presque tout de suite, le muguet a fleuri depuis jeudi dernier. À mes pieds, dans l'herbe nouvelle, dressant la fraîcheur de sa verdure au-dessus des feuilles mortes et des longs chaumes desséchés de l'été précédent, des milliers de grelots blancs s'inclinaient entre les larges lances de leurs feuilles jumelles. Je quittai ma place sur l'arbre couché et m'assis par terre afin de cueillir des fleurs. C'est pour moi ? Me demanda-t-elle. C'est pour m'amuser, si vous voulez le permettre. Elle n'était pas femme à répliquer « Vous faut-il un amusement quand je suis avec vous ?» Et je le savais bien. Il y eut entre nous un silence que je rompis brusquement par cette question faite sans la regarder. « Me répondrez-vous si je vous écris ?»« À quoi bon ?» Elle dit cela sans se donner une minute de réflexion et d'un ton parfaitement résolu, comme si, ayant examiné la chose à l'avance, elle avait déjà pris sa décision. Je levai les yeux vers elle. À cause d'un demi-soleil qui filtrait, elle tenait ouverte son ombrelle mauve frangée d'une dentelle bise tremblante. oui, tremblante un peu trop vraiment pour la faible brise qui s'y jouait. Assise à ses pieds, je la voyais dans le tamisement de la lumière, moins lumineuse elle-même, me semblait-il, qu'à l'ordinaire, mais d'une clarté plus douce et plus touchante. Elle penchait la tête, sa main plus que jamais à sa tempe, et son regard cherchait non plus mes yeux, mais mes doigts, qui s'étaient arrêtés de cueillir les fleurs. « À quoi bon ? » lui dis-je avec feu, « mais pour recevoir encore quelque chose de vous, pour avoir à Paris un rappel des bonnes heures passées ensemble, pour ne pas nous quitter tout à fait, tout à fait. À quoi bon ? Vous êtes étonnante. » Non, cela même serait fou. Cette correspondance ne durerait pas. Au bout d'un certain temps, avec mon existence calme et les loisirs qu'elle comporte, j'y trouverais toujours autant de plaisir, et ce serait peut-être un peu trop pour celui que vous y prendriez, car vous en seriez là bien vite. Oh, ne protestez pas. Que pourrais-je vous dire d'intéressant ? Nous n'avons qu'un point de contact, les livres. Eh bien quoi ? Je vous enverrai de temps en temps 4 pages de critiques littéraires. Vous trouverez beaucoup mieux en ce genre au rez-de-chaussée de votre journal. Nos vies n'ont pas la même orientation. Elles se sont traversées fortuitement, elles s'écartent, c'était fatal. Et quelques lettres n'y changeraient rien. C'était vrai. Désolamment vrai. Je le sentais. Mais je ne voulais pas en convenir. Et tandis qu'elle mettait tout son courage à ouvrir les yeux, de toutes mes forces, moi, je les fermais. Elle me semblait cruelle de voir si clair. J'aurais trouvé bon que son regard fût voilé par quelques larmes. Pourtant, je n'osais rien lui objecter, et je recommençais à cueillir du muguet. Tout en arrachant nerveusement les tiges flexibles, je dis « Ah, si nous !» Mais je m'arrêtais devant la banalité, l'éternelle banalité de la phrase qui me venait aux lèvres. Elle la devina, et avec très peu d'ironie, pas assez pour être méchante. « Ah oui, si nous nous étions rencontrés plus tôt !» Et secouant la tête. « Eh bien, vous pouvez le regretter, vous, quoique je ne sache pas du tout si je suis celle qu'il vous eût fallu, mais moi je ne le regrette pas. » « Oh, je comprends, » repris-je vexé. « Dès lors que votre mari vous pardonne d'être une femme supérieure parce que vous soignez bien la soupe et les moutards. » Elle ne releva ce propos que par une toute petite moue à peine dédaigneuse. « Comprenez-moi, si j'avais eu des enfants de vous, ce ne seraient pas mes enfants tels qu'ils sont, et je les aime tant ainsi que je ne veux pas seulement penser qu'ils pourraient être autres. » Que répondra cela ? Je me remis à cueillir des fleurs, et bientôt elle me dit « Votre botte est assez grosse. Encore un peu, j'aurai besoin de mes 2 mains pour l'emporter. L'offrirez-vous à la Vierge, celle-ci ? Demandai-je en la lui donnant. Peut-être, si vous voulez le permettre. Faites comme vous l'entendrez, dis-je sans amertume. Et un peu triste, j'ajoutai. Vous êtes donc décidé à ne rien conserver de moi ? Elle prit une tige, en arracha toutes les corolles, sauf le plus petit bouton verdâtre au sommet. Je ferai sans doute sécher cela entre 2 pages de volupté. Oh, une fleur sèche, tout aplatie, c'est laid. Ce n'est pas beau, mais ça peut être symbolique. Je m'étais rassis auprès d'elle. Le soleil bas, l'horizon, n'envoyait plus que des rayons inoffensifs. Elle avait fermé son ombrelle et restait la tête dans la lumière du soir. Les violettes de sa capote semblaient toutes pâles dans ses cheveux sombres. Devant nous, les ombres s'étendaient, se rejoignaient, envahissait tout, nos cœurs même. Le mien, à coup sûr, et peut-être le sien, qui sait. Un coucou soupirait tout proche sa petite plainte douce. C'étaient les minutes suprêmes. Je dis encore. Et vous, ne me laisserez-vous pas un bibelot, un rien, en gage de notre bonne amitié, trop courte ? Elle eut un geste là. Aussi longtemps que vous garderez mon souvenir, ne vaudra-t-il pas mieux que tout ce qui vous viendrait de moi ? Oh, votre souvenir, oui, c'est cela qui est exquis. Voulez-vous que je vous dise comment je vous verrai toujours quand je penserai à vous ? Dites. Comme la belle clarté limpide et calme d'une journée de printemps. Et elle m'interrompit. Non, non, pas ainsi, voulez-vous ? Plutôt comme une lampe posée sur la table le soir avec un grand tabac-jour pour concentrer la lumière sur les petites têtes blondes. Vous avez raison, toujours raison. Pendant quelque temps, je me suis assis dans la reposante lueur de la lampe. Et maintenant, je m'en vais. Je retourne aux brumes et au bec de gaz de Paris. Mais je n'oublierai jamais votre rayonnement. Elle se leva. « Ah ! M'écriai-je, je puis bien vous reconduire jusque chez vous, puisque votre mari sait que nous sommes ensemble. »« Non, Quittons-nous tout de suite, je préfère. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à me rejoindre, et que vous resterez ici jusqu'à ce que vous ne puissiez plus me voir tout là-bas sur la route. » J'inclinai la tête. « Maintenant, dis-je, vous allez ôter votre gant et je vous baiserai la main. À quoi bon ? À quoi bon encore ? C'est toujours un baiser. » Elle dit très bas. « Vos baisers ne sont pas faits pour moi. » Elle me tendit sa main gantée où je mis mes lèvres sans qu'elle la retirât. « Adieu. » Puis elle partit. Je la regardais s'en aller. Elle se silhouettait dans le soleil prêt à disparaître et rouge, sans rayons. Elle marchait lentement. Mais elle ne se retourna pas une fois, non, pas une fois. Je la suivis des yeux jusque très loin, à l'angle du chemin, et quand je ne la vis plus, le soleil était tombé derrière l'horizon. Je restai aéré dans ce bois, si bien que je ne fus pas prêt pour prendre le train du soir. Le lendemain, au moment de partir, je trouvai au bureau de l'hôtel une lettre qui avait apporté le petit clerc de Maître X. L'enveloppe contenait un gant de femme et ce billet. « Vous me demandiez quelque chose de moi. J'ai sauvé pour vous ce gant des flammes où j'allais le jeter, afin de ne pas en venir à jouer l'héroïne du roman de Jeanne. Adieu, cette fois, tout à fait. » En lisant ces lignes, je fus sur le point de rester. Je partis cependant, me promettant de revenir. Mais je ne suis jamais retourné dans sa petite ville. Il y a des années que nos vies se sont traversées. Et nulle courbe ne les a rapprochées depuis. Ainsi s'achève une halte dans la lumière de Claude Jouffroy.